hear you, man. Hey, porteur de slip, c'est l'enfer qui t'attend. Les slips, c'est dégueulasse. Bus. Hey, let's go. Let's do it. Et après, Mike, tu rentres en jeu. Après, il y a ça. Après, il y a ça. À la basse, trop bon. Zizi. fin que pourra, voilà. Faudra que je revoie mes trucs de... Trouver des sons, mais... la basse. Hey Mike. J'entends pas la basse. Merci. Je te montre le son. Voilà, c'est bon, je t'entends. Je t'avais pas mis. Somewhere on the dewy side. Coco, il est pas sur Spacer. Coco, il a fait une chanson sans. En basse. Ah non, mais c'est que j'ai monté à fond. Bah, c'est en 115 pourtant. Le guitariste de Chicago.